Pas la peine de me dire que je suis ton petit bébé, ou de me faire croire que je te fais rêver. Si tu crois que je t'ai pas vu faire du charme aux autres,